a deux façons de voir cette émission. La première simple est que nous avons choisi avec l'équipe de la méthode scientifique de traiter le sujet du hasard en lien avec l'exposition « Faites vos jeux quand les maths s'en mêlent » qui vient de s'ouvrir au Palais de la Découverte. Et puis il y a la seconde façon qui est que de voir la sélection aléatoire d'un spermatozoïde sur des millions et d'une ovule. Il y a plus de 40 ans naissait une combinaison unique de gènes, la mienne, et que suite à une série d'événements plus ou moins aléatoires au cours de mon existence, la direction de France Culture m'a confié la responsabilité d'une émission scientifique jusqu'à ce jour. Bref, que tout cela est le pur fruit du hasard. Peut-on calculer le hasard ? C'est le vaste problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tenter de résoudre ce problème, nous n'avons pas choisi nos deux invités tout à fait par hasard, quoique. Ivar Reckland, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien passionné par le hasard. Vous venez de publier avec Étienne Lecroart « Le hasard, une approche mathématique » dans la collection « La petite BDTech des savoirs » aux éditions du Lombard. Nous sommes également avec Gilles Pagès, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien directeur et professeur à l'UPMC, le laboratoire de probabilité et modèles aléatoires. Vous avez publié, vous, 101 quiz qui banque aux éditions Vuibert. Nous sommes, eh bien, comme chaque jour, là aussi, il n'y a pas de hasard, sur Twitter, où vous pouvez également suivre l'émission et le compte @laméthodefc. Alors, on va commencer par le commencement, finalement. Gilles Pagès, Ivar Reckland, qu'est-ce que c'est que le hasard ? Ivar Reckland. Ah, c'est moi qui réponds le premier. Eh oui. Bon. J'ai choisi par hasard. Je vais pas faire des gags toute la saison. J'arrête de faire des blagues sur le hasard, c'est parti. C'est à vous. Bon, il y a plusieurs réponses. Mais pour moi, le hasard, c'est ce qu'on ne peut pas prévoir. Hein. C'est ce qui est. C'est une formule générale. Je pense que l'esprit humain a une tendance à structurer. On aime comprendre. On aime poser des cadres autour de nous. Et ce qui sort du cadre, eh bien, on dit c'est le hasard. Hein. C'est une manière de dire on comprend pas trop. Gilles Pagès, pour vous, le hasard ? Bah, pour le probabiliste, le hasard, il prend deux formes. La première, ce qui est la forme à laquelle chacun peut s'intéresser, de savoir s'il y a effectivement des événements qui sont réellement l'effet du hasard, dire qu'ils sont totalement imprévisibles. Et puis pour le probabiliste, en fait, les choses sont finalement plus simples, comme souvent les mathématiciens, ils essaient d'axiomatiser les choses. Donc en fait, un phénomène qui est aléatoire, c'est un phénomène dans lequel on n'a pas l'information complète qui permet de rendre ce phénomène, comme l'a dit Ingvar, totalement prévisible. Par exemple, l'exemple le plus simple, c'est le lancer d'un dé. Les lois de la mécanique rationnelle vous disent que normalement, on peut entièrement prévoir le comportement du dé. Néanmoins, non seulement pas la main humaine, mais aucun système mécanique ne peut arriver à prévoir, en fait, ce sur quoi tombera, sur quelle face tombera ce dé. Et donc, pour le probabiliste, voilà, ça, c'est un phénomène aléatoire. Alors, est-ce qu'il y a du hasard dans le lancer de dé ? Les mécaniciens diront non. Le probabiliste va dire, ce débat ne m'intéresse finalement pas tant que ça. Voilà. Il n'y a pas de hasard parce que, en fait, dans un monde parfait, absolu, on pourrait prévoir tous les phénomènes qui sont à l'œuvre, tous les phénomènes initiaux qui sont à l'origine d'un lancer de dé. J'ai pas dit ça. J'ai parlé du dé. Dans la mécanique quantique, par exemple, la modélisation qui s'est finalement imposée est une modélisation qui dit qu'il y a un hasard irréductible. Je ne suis pas physicien, je ne m'aventurerai pas plus avant. Donc, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de hasard. Je dis que le probabiliste, justement, il essaie de pas trop rentrer dans ce débat-là. Soit il y a du hasard, soit il y a une absence d'information. Mais dans les deux cas, on modélise ça de façon par un phénomène aléatoire. Enfin, quand vous sortez du cadre des mathématiciens, la première question, je suis venu ici en voiture, hein, et puis le chauffeur s'intéressait, où allez-vous ? Ah, vous parlez à quelle heure ? Je pense qu'il m'écoute en ce moment. Et je lui ai dit, on va parler du hasard, il dit, le hasard existe-t-il ? Et c'est toujours la question qu'on a. Cette BD, je l'ai faite avec Étienne Lecroart, et quand j'ai vu Étienne Lecroart, il était dessinateur de BD, j'étais batteux, la première chose qu'il m'a dit, ça m'intéresse beaucoup, mais le hasard existe-t-il ? Alors, la question, la première que les gens se posent, il faut d'abord voir deux choses. Premièrement, il faut voir deux choses. Ça revient à ce que je disais, les gens veulent une explication. On n'accepte pas que quelque chose arrive sans raison. Alors, ce qui veut dire que si vraiment on n'a pas d'explication, la réponse naturelle, c'est que ça a été décidé par quelqu'un que je ne connais pas. Et ça a été, c'est pour ça que la notion de hasard apparaît très tard, dans toute l'Antiquité, chez les Grecs, etc., etc. On va y revenir. Oui, c'était mais le fatum, c'était... le destin, la main divine. Oui, enfin, il y avait quelqu'un. Hein, quelqu'un décidait, c'était le dieu, ou c'était, il y avait une forme d'élection. Hein, il y avait quelqu'un qui décidait. Et encore maintenant, on a cette démarche scientifique qui consiste à dire le hasard par défaut. On est très gêné. Einstein disait, Dieu ne joue pas au dé. C'est-à-dire que nous n'acceptons pas qu'il n'y ait pas de raison. Nous n'acceptons pas que nous soyons sur cette terre sans raison. Nous n'acceptons pas que nous soyons nés sans raison. Et nous n'acceptons pas que nous mourions sans raison. Nous n'acceptons pas qu'il n'y ait pas de sens à cette vie. Nous n'acceptons pas qu'il n'y ait pas de sens à ce qui arrive. On veut en trouver un à toute force. Il faut une intentionnalité. Eh oui. Le hasard, étymologiquement, bêtement, on va parler d'hasard et d'aléatoire, d'aléa. Les deux mots, c'est le même. C'est étymologiquement dé, hein, hasard, c'est hasard de l'arabe. Hein. Aléa, en latin, c'est le dé. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'incarnation du hasard, c'est un dé à six faces ? Gilles Pagès. J'ai déjà un peu répondu à la question en disant que, justement, c'est un exemple discutable pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Moi, je ne suis pas complètement sûr que donner un sens à tout ce qui se passe, ça exclut forcément une composante hasardeuse. Parce que vous avez présenté l'émission en vous présentant vous-même comme un phénomène aléatoire. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez. Moi, j'ai été un phénomène aléatoire quand je suis né. Mon voisin aussi. Mes enfants n'ont pas été des phénomènes aléatoires, ayant pour issue fille ou garçon, j'entends. Mais... Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que la façon dont les gènes sont répartis, enfin la conception, le spermatozoïde, l'ovule, le partage des gènes, etc. Il y a des gens qui parlent de ça comme d'une course. Il y a une chanson assez connue de Jean-Jacques Goldman, je crois, qui dit « bonne idée », etc. J'ai gagné la course au moins une fois dans ma vie, j'ai été le meilleur parce que je suis né. Enfin, il dit ça mieux que ça, mais enfin, c'est ça que ça dit. Moi, je pense plutôt que c'est justement la nature, enfin... Dieu, si les gens ils veulent y mettre du spirituel, en tout cas, à organiser une loterie. En fait, c'est la plus grande loterie de la vie. Enfin, la loterie de la vie, elle a été organisée comme telle et pas comme une course. Donc, voilà. Et en même temps, il y a une finalité, peut-être. Enfin, peut-être pas. Mais je pense que le hasard et la finalité ne sont pas des choses qui sont complètement incompatibles. Le hasard est un chemin pour aller de A à B qui peut être pas forcément le plus court, mais en tout cas, ça peut être un chemin. Qui emprunte une route qu'on ne peut pas prévoir. Ivar Ekland, la différence, puisqu'on va rester un peu dans cette sphère de définition, de circonscription du hasard, si tant est qu'on puisse le circonscrire, la différence entre le hasard et la coïncidence. Entre le hasard et la coïncidence. Ben écoutez, la coïncidence est une ancienne définition du hasard. Hein. Je me souviens de Cournot, du temps où j'étais en mathélème, il y a bien longtemps, hein, je pense que la plupart des gens qui nous écoutaient n'étaient pas nés, on nous apprenait le hasard, c'est la coïncidence de deux séries causales indépendantes. Hein, donc il y a une série, c'est l'histoire classique de la tuile, je me promène, je vais à une invitation chez un ami, et puis il y a un coup de vent, une tuile me tombe du toit, et puis me tue, donc c'est une coïncidence, j'ai pas eu de chance d'être là à ce moment-là, et pour Cournot, c'était la définition du hasard. Bon, maintenant, ce n'est pas, à mon avis, c'est pas du tout une bonne définition, hein, parce que des séries causales indépendantes, il n'y en a pas. L'univers est une seule chose. Et c'est ce qu'on apprend en maths aussi, la théorie du chaos, etc. Tout est cause de tout. Rien n'est indépendant de rien d'autre. On est plus ou moins dépendant, etc. Donc, coïncidence, ça voudrait dire qu'il y a deux choses indépendantes. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment des choses indépendantes en ce monde. Est-ce que le hasard est à la même acception dans les différents champs scientifiques ? Est-ce que le hasard est le même en mathématiques, en physique, en biologie, Gilles Pagès ? Au loto, est-ce que c'est le même hasard ? Le loto n'est pas une science. Le loto, j'aimais beaucoup. C'est quoi cette citation qui m'amusait beaucoup ? Le loto, c'est un impôt sur les gens qui ne comprennent pas les probabilités. Oui, d'accord. Oui, enfin, 100% des perdants ont tenté leur chance. Voilà, en tout cas. C'est synonyme. C'est difficile de dire. Il est clair que d'abord, parmi les mathématiciens, tous les mathématiciens ne sont pas probabilistes. Loin s'en faut. Et même les probabilités ont un statut. Qui s'est récemment amélioré, mais qui n'a pas toujours été le plus haut parmi les différentes disciplines mathématiques. Alors, encore une fois, pour le probabiliste, assez paradoxalement, les questions philosophiques liées à l'existence du hasard, à sa nature, sont des questions qui ne passionnent pas le probabiliste. En physique, par contre, je pense que en termes de modélisation, on a parlé de Bohr tout à l'heure, de Einstein qui disait Dieu ne joue pas au dé, enfin la controverse de Copenhague sur la nature aléatoire du positionnement des atomes, des électrons dans les atomes. Il est clair que là, la physique s'est posée sérieusement et véritablement la question du hasard dans ses fondements. En biologie, c'est l'histoire de la loterie, de la loterie génétique. Et des recombinations génétiques, sélection. Je pense que là, ça dégage plus du côté spirituel, si vous voulez. Enfin, je pense que les biologistes ont chacun leur opinion là-dessus, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient sur le hasard une idée très précise. Je voudrais revenir un peu en arrière quand même sur votre question, la différence entre hasard et coïncidence. Je pense que la notion de coïncidence apparaît parce que les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est le hasard. Je vous donne un exemple. Vous avez 7 rendez-vous dans la semaine. Vous vous attendez à en avoir un le lundi, enfin 5, un le lundi, un le mardi, vous attendez à en avoir un par jour. Et puis vous en avez 3 le même jour. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Eh bien, si vous faites un calcul de probabilité, il est beaucoup plus probable d'avoir 2 ou 3 rendez-vous le même jour que d'en avoir un chaque jour. Hein. C'est, les gens, disons, que, quand on pense à hasard, on pense toujours à uniformité, mais ce n'est pas vrai. Le hasard, c'est l'absence de règles. Hein. Il y a absence de règles. Donc, s'il y a coïncidence, c'est normal. C'est le fruit du hasard. Hein. Et je pense toujours à cet exemple de rendez-vous. Hein. C'est beaucoup plus probable d'avoir 3 le même jour que d'en avoir 7 répartis sur la semaine. Et puis, il y a les biais cognitifs aussi. Oui, Gilles Pagès. Il y a un autre exemple extrêmement connu, auquel j'ai été d'ailleurs confronté directement dans des conversations dans le métro. Alors, moi, je suis maintenant un peu âgé, donc je ne connais pas les nouvelles règles du tirage du loto, mais dans le loto des années 80, le tirage était ainsi conçu qu'en fait, on pouvait démontrer par les probabilités qu'il y avait dans chaque tirage environ 30% de chances qu'il y ait 2 numéros consécutifs dans le tirage. Et en fait, les gens en déduisaient 2 choses fausses. Enfin, d'abord, ils étaient toujours très étonné qu'il y ait 2 numéros consécutifs, donc il pensait que c'était anormal parce que il confondait le hasard et le fait qu'il y ait quelque chose de particulier qui retienne l'attention dans le tirage. Et d'autre part, évidemment, ils en déduisaient qu'il valait mieux jouer des combinaisons avec des nombres qui suivaient. Alors bon, ça c'est peut-être un petit peu compliqué à expliquer techniquement, mais c'est une absurdité totale. Donc voilà, ça c'est typiquement la coïncidence. Et puis alors, il y a un autre exemple qui est très célèbre. Alors là, je vais être obligé de lire un peu parce que je connais pas les vers par cœur, mais dans la pièce d'Horace de Corneille, il y a les vers s'attacher au combat contre un autre soi-même, attaquer un parti qui prend pour défenseur le frère d'une femme et l'amant d'une sœur, et rompant tous ses nœuds s'armer pour la patrie contre un sang qu'on voudrait racheter de sa vie, une telle vertu n'appartenait qu'à nous, l'éclat de grand nom lui fait peu de jaloux. Alors bon, c'est très beau, si vous lisez l'acrostiche, ça fait sale cul. S-A-L-E-C-U-L. J'ai été interrogé par un chercheur en lettres quand j'étais jeune, qui m'a demandé, est-ce que c'est le fruit du hasard, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est pas le hasard? Donc il m'a donné toutes les fréquences de lettres de début de vers dans la pièce d'Horace, et même plus que ça. Et j'ai calculé une probabilité qui disait qu'elle était infinitésimale. Mais j'ai aussi dit que cette probabilité n'avait aucun sens, puisque bien évidemment, ça aurait pu être toute autre grossièreté, ou d'autres choses qui ne sont pas des grossièretés. Et puis surtout, quand on connaît l'histoire un peu de ce qui se passait à l'époque de Corneille, ou surtout un peu avant Corneille, c'était une pratique extrêmement courante chez les poètes, en fait, d'écrire des choses en acrostiche, parce que, notamment à la fin du Moyen-Âge, on ne pouvait pas signer ses poèmes, donc c'était un moyen de les signer. Et donc, il y a toutes les raisons de penser, mais qui n'ont rien à voir avec les probabilités, que cette acrostiche scatologique était bien pas du tout l'effet du hasard, et bien volontaire. Bon, voilà. Bon, ça, c'est encore une fois un exemple de coïncidence qui, à mon avis, là, n'est pas le fruit du hasard. Faisons, si vous le voulez bien, un peu d'histoire du hasard et de l'apparition des probabilités. On verra qu'effectivement les probabilités apparaissent assez tardivement pour l'une des raisons qu'a évoqué tout à l'heure Ivar Ekland, c'est-à-dire que pendant longtemps on refuse l'existence du hasard. Le hasard, c'est effectivement autre chose, le destin, la divinité. Enfin, c'est une autre conscience qui est à l'œuvre. À quand remontent les premières tentatives de calcul ou peut-être plutôt avant ça d'utilisation du hasard, Ivar Ekland? Classiquement, je pense que Gilles sera d'accord, c'est Pascal. Hein, c'est le problème des parties du chevalier de Méré. Alors, on en reparlera de Pascal un peu avant. Je vais reformuler mes questions. À partir de quand les sociétés, les civilisations commencent à utiliser le hasard, l'aléatoire, la loterie comme instrument de sélection, utilisent les vertus du hasard. Oui. Voilà. Alors, disons, les probabilités ne sont qu'un des aspects du hasard, bien entendu. Mais le lancement de dés, par exemple, des choses comme ça, étaient connues bien avant. Et ça servait parce que, justement, c'était une manière de prendre une décision. Quelque chose se passait sans que personne soit responsable. Alors, on continue à le faire. Hein. Encore maintenant, il y a des situations où il y a une décision à prendre et personne ne veut prendre la responsabilité. Par exemple, le truc classique, on envoie quelqu'un dans les tranchées pour une mission suicide. Hein, le capitaine doit désigner quelqu'un. Il ne va pas le faire. On va tirer au hasard. Hein, ou ceux qu'on tire au hasard, on connaît tous ces histoires. Et donc, très tôt, le hasard apparaît comme mode de sélection. De désignation. Alors, un cas tout à fait classique, c'est et ce qui apparaît, un cas tout à fait classique, c'était l'Antiquité grecque, où on tirait au sort certains magistrats, pour des durées courtes d'ailleurs. Et le hasard a un avantage énorme qui subsiste toujours aujourd'hui, il est impartial. On ne peut pas le tromper. Et vous voyez, hein, il est donc il n'y a pas de responsabilité et l'autre qualité, il est impartial. Et je pense que dans les problèmes actuels qu'on a sur la démocratie, avec nos politiciens professionnels qui n'ont jamais exercé, qui se sont coupés de la réalité, dans beaucoup de pays, au Canada où j'ai vécu, en Islande, etc., on forme des comités de citoyens tirés au hasard pour conseiller les gens. Et cette pratique ancienne, on la trouve même ici, on tire au sort les membres des jurys. Des jurés populaires aux assises. Hein. On n'a pas de jurés professionnels. On les tire au sort et l'expérience prouve qu'ils font très bien leur travail. Ils font très très bien leur travail. Alors, pourquoi ne pas généraliser ceci ? Gilles Pagès, sur l'utilisation de l'aléatoire, en tout cas avant qu'on commence à essayer de le calculer, voire de le prédire. Voilà, d'abord, on tire au sort maintenant les étudiants, quand il y en a trop qui... candidate par rapport aux capacités d'accueil. Donc, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter. Mais malheureusement pas tout à fait. N'a pas que des aspects toujours positifs. Dans les pelotons d'exécution, il était d'usage aussi de ne pas charger l'un des fusils des tireurs pour que personne ne se soit sente avec certitude la personne qui a tué le condamné. On a parlé un peu, là, on a commencé à évoquer la notion de loterie. Alors voilà, il y a aussi une autre utilisation du hasard qui a été faite par les politiques, c'est que c'est un moyen de lever l'impôt qui est indolore, puisque les gens, quand on joue à la loterie, puisque vous parlez du loto comme de la loterie. Oui, mais qui existe aujourd'hui a beaucoup à voir avec le tirage au sort des gens qui dirigeaient, je ne sais plus si c'est Venise ou Gênes, mais sais que Igvar est très spécialiste de ça. Il faut que vous nous racontiez l'histoire de la désignation du Doge à Venise que vous racontez dans le petit livre, dans la petite bande dessinée sur le hasard que vous signez, qui est très drôle. Oui, elle est très très drôle. Ça, alors faut comprendre. Venise a été une société aristocratique et qui a fonctionné à peu près de la même manière pendant plusieurs siècles. Donc ce que je vous raconte là était en vigueur depuis, je pense, 1300 jusqu'en 1800, pendant 500 ans que Napoléon Bonaparte a conquis Venise. Alors, le problème de Venise, la manière dont c'était fait, c'est-à-dire qu'il y avait un Sénat à Venise, c'était 2000 citoyens essentiellement. C'était héréditaire, donc il y avait 2000 personnes qui désignaient les gens et ils se surveillaient beaucoup les uns les autres. Alors, pour désigner le doge, ils avaient une procédure assez compliquée qui commençait par dire on devait, pour désigner le doge, c'était un comité de 9 citoyens, de 9 sénateurs. Alors on aurait pu dire on va choisir les 9 personnes qui vont désigner le doge ou choisir le doge directement. L'inconvénient de ça, c'est que c'est ce qu'on appelle la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire, si vous avez une majorité, alors vous faites ce que vous voulez, vous imposez votre candidat, et tant pis pour la minorité, les courants ne sont pas représentés, etc. Alors, ils avaient une procédure à plusieurs étages, dont je ne me rappelle pas exactement, mais essentiellement, ça commence comme ça. Je l'ai sous les yeux, si vous voulez. Vous l'avez sous les yeux, mais enfin, essentiellement, ça commence comme ça. On commence par élire un comité, disons, d'une quarantaine de personnes. Et puis, le comité d'une quarantaine de personnes, à ce moment-là, chacun propose une liste de noms. Hein, il propose, mettons, 40 autres personnes. Mais suivant des règles assez strictes, les règles sont assez strictes au sens où, pour que ces noms soient proposés, pour être acceptés, il faut qu'il y ait 30 personnes pour ou quelque chose comme ça. Une majorité très forte. Hein, donc, c'est vraiment... Bon. Et ensuite, sur ces 40 personnes, on en tire au sort. On tire là-dedans, on en tire une petite dizaine. Et ces dizaines vont également faire un grand choix d'où on retirera au sort. Et des procédures. On élit, on tire au sort. On élit, on tire au sort. Sur les 9, on en élit 40. Sur les 40, on en tire au sort 12, qui en élisent 25, qui en tire au sort 9, qui en élisent 45, qui en tire au sort 11, qui en élisent 41, qui élisent le doge. Voilà. Alors, cette procédure, je pense que mes collègues mathématiciens de théorie des jeux devraient se pencher là-dessus. Elle a été plus. Mais les historiens voient bien ce qui se passe. L'avantage de faire ça, c'est que. La partie, c'est une combinaison d'élections et des tirages au sort. L'avantage de faire ça, comme on élit, ça veut dire que les gens que ça n'intéresse pas, qui sont notoirement connus pour être des incapables, ou dont on ne veut pas, ils ne seront pas parmi ceux qu'on propose. Mais le tirage au sort, ça permet que finalement, les minorités seront représentées. Hein, on arrive donc à des comités dont on peut penser qu'ils sont équilibrés du point de vue compétence et du point de vue représentativité. Alors, vous le disiez à l'instant, messieurs Ivar Ekeland et Gilles Pagès, avec qui nous parlons du hasard et du calcul, de l'histoire du calcul du hasard jusqu'au XXIe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Le début, les bases du calcul des probabilités modernes, on en parlait ici même exactement la semaine dernière, puisque nous avions consacré l'émission à Blaise Pascal. C'est donc le XVIIe. Pascal, mais pas lui seul, hein, Pascal et Pierre de Fermat. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est lié au jeu de hasard, hein, avec via le chevalier de Méré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi Pascal pose les bases du calcul des probabilités? Qu'est-ce que c'est que le problème des parties, Ivar Ekeland? Ben, le problème des parties, c'est la chose suivante. Vous jouez à un jeu de hasard. Imaginez un jeu de hasard. Bon, je ne sais pas très bien lequel il jouait, mais imaginez par exemple une partie de tennis. Hein, vous me direz que ce n'est pas un jeu de hasard, mais peu importe. Hein. Bon, et puis, on est forcé d'interrompre la partie au milieu. Alors, excusez-moi, on mise d'abord. Hein, donc, chacun met 100 écus. Hein, il y a des mises, donc il y a de l'argent. Donc, il y a un pot. Et on est forcé d'arrêter la partie à un moment donné, sans aller jusqu'au bout. Alors, mettons que ce soit au tennis, ça se joue en 3-7, j'en ai gagné 2, vous en avez gagné 1. Comment on partage les mises? Et ça, c'était le problème des parties. Comment on va partager les mises, sachant qu'on n'est pas allé jusqu'au bout? Alors, très clairement, si vous en avez gagné 2, moi 1 et qu'on va à 3, vous devrez avoir plus que moi. Mais combien exactement? Et Pascal, à ce moment-là, fait un raisonnement que je ne vais pas reproduire ici et qui est basé uniquement, cette fois, on appelle ça les probabilités, il est basé uniquement sur des questions d'équilibre. C'est-à-dire, il part du principe, voyons, si on avait un chacun, le principe de symétrie, si on avait gagné un chacun, eh bien, s'il y a 200 coups, ce sera 50-50. Mmh. Bon, mais on peut continuer. C'est-à-dire, voyons maintenant, dit-il, vous en avez gagné 2, j'en ai gagné 1. Si j'en gagne une de plus, ce sera 2-2, ce sera 50-50. Mmh. Donc, on peut continuer. Et en raisonnant comme ça, il arrive à retrouver les proportions exactes. Mmh. Hein? Mais c'est vraiment un argument basé sur la symétrie, hein? Ce qui est symétrique. Gilles Pagès, sur l'héritage de ce début, parce que Pascal ouvre un champ, même si, alors, si on rentrait dans le détail, il y a eu des calculs de risques un peu au Moyen-Âge, etc. Mais enfin, Pascal vraiment défriche complètement ce qui va devenir le début, en fait, du calcul des probabilités et donc des statistiques, en quelque sorte. Alors, effectivement, c'est le problème des mises qui a été à l'origine de tout. En fait, la question du chevalier de Méret, elle n'était pas extrêmement glamour, puisqu'il posait la question de savoir s'il y avait plus de probabilités de faire un 6 en 4 jet de dés ou de faire un double 6 en 24 jets de double dés, de 2 dés. Donc c'est-à-dire un événement qui était 6 fois moins favorable en jetant 6 fois plus de dés. Et en fait, les deux probabilités sont toutes les deux proches de 1,5 tout en étant différentes. Et donc les motivations du chevalier de Méret, qui était un courtisan, qui était un membre de la cour de Louis XIV, c'était vraisemblablement que ces gens s'embêtaient tellement qu'ils passaient leur vie à jouer aux dés avec les rentes que les pensions que lui a versées le roi. Et en fait, il voulait savoir laquelle des deux probabilités est la plus grande, etc. Enfin, c'est comme ça qu'il a contacté, c'est pour ça qu'il a contacté Pascal. Et alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a expliqué Ivar. Ce qu'il faut dire peut-être, c'est que Pascal a beaucoup échangé avec Fermat sur ce sujet et s'est pris quelques roustes parce que Fermat trouvait que Pascal n'était pas, enfin bon. Voilà, c'était pas les mathématiciens entre eux ne sont pas toujours très aimables, très tendres. Ça, je ne savais pas. Si, donc mais effectivement, c'est ça l'origine et c'est la répartition des mises. Comment, et à travers ce problème de répartition des mises, en fait, est née la notion d'une part de probabilité et la notion d'espérance, c'est-à-dire de produit de la probabilité par le gain espéré que Pascal ensuite a rendu extrêmement célèbre sur un problème qui n'est pas un problème de jeu, qui est un problème théologique. Qui voulait convaincre les libertins de croire en Dieu en leur disant le pari de Pascal. Si Dieu existe avec une probabilité epsilon aussi faible que vous voulez, mais vous y gagnez l'infini si vous y croyez, que vous vivez en accord. Enfin, si vous dites de vivre en accord avec votre foi jusqu'à la fin de votre vie, et tout ce que vous pouvez perdre, c'est le montant fini d'une vie. Et il n'a jamais convaincu personne avec cet argument. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui ont été convaincus par le Pascal. Ça n'a pas eu l'impact spirituel espéré, mais par contre, à cette occasion, il a multiplié pour la première fois une probabilité par un gain. Et il avait inventé la notion d'espérance mathématique. D'ailleurs, le mot espérance, espérance, pas mathématique, mais le mot espérance vient de là. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si Pascal employait le mot probabilité. Il ne l'employait pas. Non. Le mot probabilité, ça doit être, ça apparaît peut-être plus tard avec les Bernoulli, peut-être. Oui, je pense. Mais Pascal ne l'employait pas. C'était vraiment un calcul de symétrie. Il résolvait le problème. Il ne faisait pas de théorie. À partir de quel moment est-ce que les mathématiques commencent à se rendre compte de ce qu'on va appeler plus tard la loi des grands nombres? C'est-à-dire que plus on multiplie les occurrences et plus résultats s'équilibrent. C'est Bernoulli. Gilles Pagès. Gauss, c'est le terme central limite. Oui. Bernoulli, on va parler de Gauss après. Mais... Ouais. Bernoulli, c'est dans. Bon, il l'a publié, ça a été publié, je crois, à titre posthume. Bernoulli, d'abord, c'est une dynastie de mathématiciens, donc on va dire Bernoulli, mais c'est le premier. C'est les Bernoulli, oui. Voilà, enfin, c'est le premier. Donc c'est dans Ars Conjectandi qui a été publié la loi des grands nombres qu'il a calculée sur le jeu de pile ou face. Hein. Alors, juste rappelez-nous ce que c'est que cette loi des grands nombres. Ah, la loi des grands nombres, oui, excusez-moi. Non, mais pas de problème. C'est de dire que quand on répète un phénomène quantitatif, quelque chose qui est un résultat numérique, indépendamment un très grand nombre de fois, eh bien, quand on moyennise les résultats obtenus, on obtient la moyenne théorique du phénomène. Alors, dit en termes plus courants, si on jette une pièce en l'air et qu'on met 1 à pile et 0 à face, eh bien, si cette pièce n'est pas truquée, si on la lance 10 000 fois, eh bien, on va tomber à peu près sur une fréquence de 1,5, pas tout à fait. Si on tombe exactement sur 1,5, c'est très suspect, mais on va tomber à peu près sur 1,5 comme fréquence de pile et de fréquence de face. Plus on tend vers l'infini et plus ça s'approche du résultat médian. Voilà. Et ce que disait Ekvar sur Gauss, c'est que Gauss, lui, a fait la vitesse à laquelle ce phénomène apparaît. Et c'est là qu'apparaît ce qu'on appelle la courbe en cloche ou courbe de Gauss, qui dit que, justement, il doit y avoir un écart qui se réduit à la vitesse 1 sur la racine carrée du nombre de tentatives. Alors là, ça devient un peu technique. Ivar Ekland, c'est votre défi. Je voudrais revenir quand même là-dessus sur la loi des grands nombres. Alors, la loi des grands nombres d'abord, et ensuite la loi normale, la courbe de Gauss. Quand je parle aux gens du hasard, etc., je vous ai dit la première chose, première question, le hasard existe-t-il? Et puis, quelquefois, vous parlez des joueurs, des gens qui jouent. Bon, bah, très bien. Et les gens, ils vous disent, mais finalement, quand vous êtes à la roulette, si le rouge est sorti 100 fois, c'est bien clair qu'il est plus probable que le noir sorte. Hein ? Loi des grands nombres. C'est clair que c'est plus probable. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein ? Ce qui paraît un peu contradictoire. C'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que les moyennes sont prises sur des intervalles de temps très grand, vous comprenez, hein, pour bien s'imaginer ce que ça veut dire. Hein, puis la seule manière que j'ai parlé de faire comprendre ça, le rouge est sorti 100 fois. Bon, mais imaginez-vous que vous jouez, est-ce que le noir sortira plus souvent? Non, pourquoi? Imaginez que vous jouez avec un monstre en face de vous. C'est le monstre qui décide si le rouge et le noir sort. Le monstre est éternel. Il a tout le temps et il va faire tout ce qu'il peut pour vous embêter. Hein? Donc le rouge est sorti 100 fois. Eh bien, il peut le faire sortir encore une fois. Et puis quand vous serez mort, etc., il dit, bon, ben, il faut que je rattrape ma moyenne. Et il rattrapera sa moyenne, il y arrivera, parce qu'il y a 10 milliards d'années pour faire ça. Donc, ces histoires de loi des grands nombres, ça ne veut pas du tout dire, c'est très contre-intuitif, que si le rouge est sorti 100 fois, le noir sortira la prochaine fois. Dans l'imaginaire collectif, la contradiction est indécrottable, puisque si vous écoutez les gens qui s'intéressent, par exemple, au tirage du loto, ils vous expliqueront, parce qu'il y a des gens qui vous conseillent quelle combinaison jouer, et ils vont vous expliquer qu'un certain nombre de numéros sont en forme, et qu'il donc faut les jouer, mais il y en a aussi qui sont en retard. Il faut aussi les jouer. Et donc les gens sont partagés entre... Tout le monde a... comme ça, intégrer la loi des grands nombres en soi, et en même temps, ne peut pas s'empêcher de dire « Ah bah oui, mais là, il y a peut-être quelque chose qui se passe. » Alors, je suis d'accord avec l'exemple d'Igvar, mais s'il n'y a pas de monstre, si t'es dans la vraie vie, vous êtes dans un casino où il y a 100 fois le rouge qui sort de suite, vous pouvez quand même suspecter la table. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est le monstre, justement. Le monstre, c'est le patron du casino, voilà. Qui est un monstre millénaire, sorti d'un roman de Lovecraft. Voilà. Ivar Ekland, racontez-nous tout de même en quelques mots, si vous le pouvez, cette loi de Gauss-Laplace, cette loi normale, pourquoi elle est importante justement dans le calcul probabiliste? Bon, à mon avis, je ne sais pas si j'y ai d'accord, c'est vraiment le théorème central du calcul des probabilités, hein, c'est le centre, c'est à partir de là que ça vient. Eh bien, elle est due à Gauss, qui est un grand mathématicien allemand, pas seulement un mathématicien d'ailleurs, puisqu'il faisait de l'astronomie, il a fait un gros traité de géodésie. Il faut se replacer au 19e siècle où on s'intéressait à la forme de la Terre et donc il y avait des gens qui faisaient des triangulations, c'est-à-dire on mesurait quelque chose, puis on mesurait des angles, etc. Et puis, à partir d'une base qui faisait peut-être 1 ou 2 kilomètres, à force de mesurer des angles et de construire des triangles à partir de là, on mesurait la France entière. Hein. Ce sont les cartes de Cassini, des choses de ce genre. Alors, ça faisait combien de mesures pour arriver à Marseille? Il y avait des centaines de mesures. Et chacune avait beau être précise, qu'est-ce qui arrivait aux erreurs? Il y a des erreurs de mesure. Et le théorème central limite, le théorème d'Ego, s'est intéressé à la propagation des erreurs. Quand les erreurs s'ajoutent, qu'est-ce qui se passe? Et ce que dit Gauss, et c'est le contenu du théorème central limite, les erreurs, si elles ne sont pas systématiques, bien entendu, vous écartez les erreurs systématiques. Votre théodolite est faux de 3 degrés, ben, il sera faux de 3 degrés. Mais si vous écartez, s'il n'y a pas d'erreur systématique, les erreurs ne s'ajoutent pas. C'est-à-dire que s'il y a 100 fois plus de mesures, vous risquez de multiplier votre erreur par 10. Voilà ce que ça dit. C'est-à-dire que les erreurs croissent beaucoup moins vite que le nombre de mesures. Et c'est ça, je pense, le contenu du théorème central limite. Hein, vous multipliez le nombre de mesures par 100, eh bien, l'erreur que vous aurez ne sera pas multipliée par 100, elle sera multipliée par 10. Oui, Gilles Pagès, pour compléter. Peut-être pour compléter, d'abord dire que c'est un véritable tour de force mathématique qu'a fait Gauss à cette époque-là, parce que les outils mathématiques dont on disposait à l'époque rendaient vraiment tout à fait improbable le fait d'arriver à démontrer ça. Donc, ça, pour les gens qui connaissent un petit peu Gauss, c'est pas très surprenant parce que c'est probablement un des plus grands savants de toute l'histoire de l'humanité, et physique, maths, etc. Alors après, il faut bien savoir que le théorème central limite, c'est quelque chose qui sert tous les jours, plusieurs fois par jour, des centaines de fois par jour, parce qu'à chaque fois qu'on fait un sondage ou une enquête d'opinion, eh bien, la marge d'erreur dont tout le monde parle, c'est exactement le théorème central limite, c'est-à-dire que quand on vous dit que tel ou tel candidat, son pourcentage sera de plus ou moins 1 ou plus ou moins 2%, c'est parce qu'on considère implicitement qu'on fabrique ce qu'on appelle des intervalles de confiance à 96% de confiance, et que dans un sondage, ça correspond à peu près à ça quand on interroge 1000 personnes. Et comme l'a dit Igvar, quand on veut augmenter la précision d'un sondage en divisant par 2 cette marge d'erreur, il faut multiplier par 4 l'échantillon et donc ça coûte 4 fois plus cher. D'où le fait qu'on fait des sondages environ sur 1000 personnes en France, sachant que, petit détail qui est à son importance, que la taille d'un échantillon n'a rien à voir avec la taille de la population globale. Qu'on soit en Chine, aux États-Unis ou en France, il faut toujours faire des sondages de 1000 personnes pour avoir la même précision. Ça, c'est moins vrai à Monaco parce qu'on risque d'interroger plusieurs fois la même, mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Je peux vous raconter une anecdote sur Gauss qui n'a rien à voir avec le hasard. On vous écoute. Alors, Gauss, comme tu le disais, a vraiment été un des plus grands on l'appelait le prince des mathématiciens d'ailleurs, à moins que ce ne soit Euler. Alors, Gauss était allemand, il était né dans une famille très pauvre. Et qui n'avait personne, bon, vraiment le trou, le fond de la campagne allemande. Et ils avaient un instituteur qui était un homme très dur. Et le petit Gauss, qui avait 10 ans, était donc en classe avec 30 ou 40 personnes. Et l'instituteur, un homme terrible. Et pour faire tenir la classe tranquille, un jour, il a dit « Maintenant, vous me faites la somme de tous les nombres de 1 à 100. » Bon, alors on voit les élèves qui sont là, 1 plus 2 plus 3, etc. Et puis au bout de 2 minutes, il y a le petit gosse qui arrive, qui met sa feuille sur le dos de l'instituteur. Alors ce qu'il avait fait, c'était, au lieu de faire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, hein, ce qu'il avait fait, c'est que 0 plus 100, ça fait 100. 1 plus 99, ça fait 100. 2 plus 98, ça fait 100. On a donc 50 fois ce truc-là. Paf, paf, paf, il avait le résultat. Et, disait Gauss, qui était très fier de ça, bien des années plus tard, ce dont je suis le plus fier, dit-il, quand il avait 60 ou 70 ans, c'est pas d'avoir trouvé ça, c'est que de toutes les réponses de la classe, la mienne était la seule qui était juste. Hey baby, what's the name of that game you playing on me? Hey baby, what's the name of that game you playing on me? You know I played every game. I swear there's got to be called Monopoly. A bright new diamond ring. Yes, you went out there tonight, came back home with a brand new diamond ring. You say you won it with a lottery ticket, the first time you ever won anything. Now it's Friday night. You came back with a brand new makeup. It was Friday night you went out, came back home with a brand new makeup. You say you won it with a racket ticket. You won it when you was playing bingo. Nous sommes toujours en direct sur Twitter, sur le compte @laméthodefc pour parler du hasard et bientôt du chaos et de stochastique avec Ivar Ekland, mathématicien, auteur du hasard dans l'édition La Petite Bédéthèque des Savoirs. Et nous sommes également avec Gilles Pagès qui est professeur et ex-directeur de l'UPMC, Laboratoire des Probabilités et Modèles Aléatoires. Nous sommes arrivés au XXe siècle et au XXe siècle on va parler de Kolmogorov, on va parler de stochastique, on va parler de la théorie du chaos, mais on va avancer un peu parce que ce qui change beaucoup pour le calcul des probabilités et le calcul des grands nombres, c'est bien sûr l'apparition des ordinateurs qui donnent accès à une puissance de calcul démultipliée, ce qui, pour le champ des probabilités, va ouvrir évidemment des perspectives jusqu'alors impossibles par le seul calcul humain. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous avez pris votre jeu de Yahtzee avec vous et vous êtes allé tester un probabiliste. Oui, j'ai rencontré Denis Talet, qui est directeur de recherche à l'INRIA de Sophia Antipolis à Nice. Il s'occupe de modéliser les phénomènes aléatoires qui dépendent du temps et de réaliser leurs simulations numériques. En tant que spécialiste des phénomènes stochastiques, on expliquera ce que c'est après, et de mathématiques financières, il m'a expliqué les raisons pour lesquelles les probabilités connaissent depuis quelques années un développement très important. Il m'a également appris quelques principes fondamentaux liés au hasard, et notamment le fait qu'il n'est pas toujours souhaitable de jouer avec. Le développement colossal des probabilités ces dernières années est très fortement corrélé avec le développement colossal des ordinateurs. Pourquoi ? Eh bien parce que donner à un physicien, un biologiste, un ingénieur des moyens de calcul de plus en plus sophistiqués, de plus en plus rapides, avec des tailles mémoire de plus en plus grandes, il va être évidemment très intéressé parce que ça va lui permettre de calculer des choses avec des modèles de plus en plus précis et de plus en plus grand nombre de degrés de liberté, et donc d'essayer de descendre au plus fin de la matière ou de l'expérience. Mais si vous vous intéressez à des descriptions de plus en plus fines, d'expériences de plus en plus compliquées, ça veut dire aussi que vous allez avoir du mal à bien définir les conditions de l'expérience, à bien mesurer tous les paramètres de l'expérience, et donc, fatalement, vous allez être conduit à choisir une loi de probabilité quelque part dans votre modèle. Ça me fait penser à cette fameuse phrase de Mallarmé, un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Est-ce que l'informatique, lui, abolira le hasard ? Oui et non. On n'abolit pas le hasard, puisque, comme je viens de le dire, les modélisations, maintenant, introduisent de manière très naturelle des lois de probabilité, soit pour rendre compte du fait qu'il y a des paramètres du modèle qu'on ne saura pas mesurer. Exemple, vous voulez modéliser le fonctionnement électrochimique du cerveau. Je ne vais pas avoir le droit de planter autant de capteurs que je voudrais dans votre cortex pour mesurer la permittivité de votre matière grise. Et donc, je vais choisir une description probabiliste des propriétés électrochimiques du cerveau que je vais étudier. Donc, soit des paramètres que je ne saurais pas mesurer, soit je m'intéresse à des expériences dont les phénomènes physiques sont encore très très mal connus ou très mal décrits, par exemple les fluides turbulents, ou bien je m'intéresse à des phénomènes où il n'y a même aucune loi physique possible, par exemple l'évolution de Courbevoisier. Et donc, là, je vais mettre des probabilités. Par contre, ce que je choisis pour décrire mon expérience, c'est des lois de probabilité. Ces lois de probabilité sont des quantités qui, elles, sont déterministes. Elles ne dépendent pas du hasard. Aujourd'hui, j'ai apporté des dés. Je ne sais pas ce qu'on peut en tirer. Je ne sais pas si on peut établir des petits phénomènes liés au hasard, des petits phénomènes mathématiques liés au hasard en peu de jets de dés. En peu de jets de dés, non. Absolument non. De fait, les phénomènes qu'on cherche à décrire avec les probabilités sont des phénomènes asymptotiques. Quand on jette un très grand nombre de fois le jeu de dés, quand on observe un très grand nombre de particules qui s'entrechoquent ou qui cognent contre des noyaux, quand on observe un cours boursier soumis à un grand nombre d'impacts dus à un grand nombre d'acteurs sur les marchés, etc. Entre parenthèses, parmi les grandes conséquences des travaux de Kolmogorov dès 1933, il y a la fameuse loi des séries. C'est-à-dire que si vous jouez à pile ou face, le modèle probabiliste vous dit que, de fait, vous pouvez obtenir une séquence arbitrairement longue de piles et qu'à aucun moment, vous êtes capable de dire quand ça pourra s'arrêter dans le futur. Donc, en particulier, si vous jouez au loto, c'est pas parce que une certaine combinaison est apparue 15 fois de suite, qu'elle va ne pas apparaître ou apparaître moins fréquemment à l'avenir. Donc c'est plutôt ces phénomènes d'apparition de patterns critiques, ou bien pourquoi est-ce que certaines lois de probabilité se stabilisent au cours du temps, pourquoi est-ce qu'elles semblent se stabiliser, puis s'écartent, puis reviennent se stabiliser en d'autres lieux de l'espace, etc. Ce sont ces phénomènes-là qui sont du ressort de la théorie des probabilités. Quand on parle de jeu de hasard, est-ce qu'on peut jouer avec le hasard, vraiment ? Est-ce qu'on peut jouer avec le hasard ? Ça, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Est-ce qu'on peut jouer avec le hasard ? À mon avis, non. Le hasard est une chose beaucoup trop sérieuse pour jouer avec. D'ailleurs, je voudrais lancer un plaidoyer auprès de nos candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils, eux et leurs équipes, intègrent une démarche rigoureusement mathématique pour traiter les aléas économiques, les aléas sociologiques, les aléas politiques. Petite anecdote, il y a quelques années, j'ai organisé quelques réunions à la direction du Trésor pour essayer de convaincre la direction du Trésor de se lancer dans des modélisations beaucoup plus exigeantes mathématiquement de l'évolution de la dette, par exemple. J'avais rencontré des gens extrêmement doués, très intéressés, mais qui étaient soumis à des contraintes de temps énormes. Et donc finalement, j'en ai retiré l'idée que même au plus haut sommet de l'État, malheureusement, on raisonne à l'aide de scénarios et de modélisations probabilistes extrêmement simples. Or, les phénomènes économiques, entre autres, comme les phénomènes physiques, sont d'une complexité inouïe, et pour lequel il faut toute la puissance des concepts hérités de Kolmogorov et de la théorie des processus stochastiques développée par notamment Doob et Itô, autre grand nom de l'histoire des sciences, et toute la théorie moderne de la théorie des processus stochastiques, pour qu'on puisse espérer apporter de bonnes réponses. Donc non seulement on ne joue pas avec le hasard, mais on essaye de contrôler ce qui nous arrive et le monde physique en dépit du hasard. On ne joue pas avec le hasard. Gilles Pagès disait l'inverse. Il disait en écoutant ce reportage tout à l'heure au micro, finalement, jouer avec le hasard, c'est vivre. Il faut dire un mot, messieurs, peut-être, parce qu'on l'a entendu dans ce reportage. Le nom de Kolmogorov, ses fondements de la théorie des probabilités en 1933 et la stochastique. Pourquoi est-ce que ça révolutionne l'approche des probabilités, Ivar Ekland? Je crois que c'est la première axiomatique, tout simplement. C'est-à-dire qu'avant Kolmogorov, la notion de probabilité apparaît. Poincaré a écrit un très joli traité de calcul des probabilités, par exemple. Mais il y a des paradoxes, par exemple. Il y a un paradoxe. Je me souviens, dans le livre Poincaré, il explique qu'on lance une aiguille par terre, la probabilité qu'elle rencontre un cercle ou pas peut être calculée de plusieurs manières différentes, ça donne des résultats différents. Bon, mais Kolmogorov résout l'axiomatique, mais je pense que le grand nom, après, c'est Kolmogorov, je veux bien, mais c'est Ito. Ito est un japonais qui a le premier réussi à combiner la dynamique et le hasard. Et toute, je ne sais pas ce que pense Gilles, mais toute l'analyse moderne repose sur les travaux de Ito. La dynamique et le hasard, c'est donc, Gilles Pagès, non, mais la stochastique. La stochastique, ça c'est, il y a la scolastique, mais on ne dit pas la stochastique, on dit les processus stochastiques, l'analyse stochastique. L'analyse stochastique. Donc en fait, c'est un peu ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que ce qu'on savait faire depuis très longtemps en analyse, c'est définir des fonctions, c'est-à-dire un phénomène qui dépend d'une variable, du temps par exemple. Décrire un phénomène au cours du temps, ça fabrique une fonction. Et si ce phénomène est aléatoire, ça devient un processus stochastique, la fonction change de nom, et ça devient non pas seulement une seule fonction, mais toutes les possibilités en fonction des scénarios qui se déroulent. Et c'est l'analyse de ces processus stochastiques, notamment par Ito, qui est arrivé à fabriquer avec ces processus stochastiques des choses qui sont similaires à ce qu'on fait avec les fonctions, c'est-à-dire des intégrales, des dérivés en un certain sens. Tout le monde a entendu le mot intégrale et dérivé. Je ne vais pas rentrer plus avant dans la technique, mais il est arrivé à faire avec les processus stochastiques ce qu'on savait faire avant avec des fonctions déterministes. Et ça a totalement révolutionné le monde, effectivement, la modélisation, puisqu'on a pu du coup commencer à modéliser des phénomènes en y intégrant une part de stochastique, de hasard, enfin appelez ça comme vous voulez, ce qu'on ne savait pas faire avant quand il y avait des phénomènes dynamiques qui évoluaient au cours du temps. Et donc ça a amené à des tas de choses, notamment la modélisation des cours de bourse et toutes les interactions qu'il y a eu entre les probabilités et le monde de la finance de marché, par exemple, pour prendre un exemple récent. Mais il y en a plein d'autres. Donnez-nous quelques autres exemples, Gilles Pagès, de ces applications contemporaines. Il y a la modélisation, par exemple, de la poursuite des satellites. Comment contrôler un satellite il a des petites rétrofusées pour se stabiliser. Et donc ça, c'est les phénomènes de contrôle. On peut faire du contrôle stochastique, donc la poursuite. Contrôler stochastiquement, c'est que vous avez un phénomène stochastique et vous influencez sur lui de façon souvent aussi stochastique pour essayer de le contrôler, d'éviter. Bon, on peut pas l'empêcher de l'être, mais on peut néanmoins le faire aller à peu près où on veut en minimisant un certain nombre de coûts, de contraintes, par exemple. Ivar Ekland. Oui, on approche la fin de l'émission, je voudrais en profiter pour dire quelque chose qui me tient à cœur. C'est que la théorie des probabilités a ses limites. Je veux dire par là, prenez quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, le réchauffement climatique. Il peut se passer des choses très graves, etc., dans les 150 ans qui viennent. C'est-à-dire, on va 5 degrés de réchauffement, de choses comme ceci, etc., etc. On ne peut pas mettre de probabilité sur ce qui va se passer dans 2100 ou dans 2150 ans. Parce que c'est trop compliqué, ça dépend de l'action des gens, ça dépend de ceci, ça dépend de cela. Trop de paramètres. Et puis il y a l'action humaine, etc. Donc c'est pas, le système est trop gros, il dépend de trop de choses, etc. On peut faire des scénarios, etc. Mais, je pense à ce que disait Denis Talley. Il ne faut pas dire à ce moment-là, il faut attendre qu'on ait un beau système compliqué, qu'on sache, les maths sont passés par là, qu'on décide après avec les probabilités. Non, il y a des cas où il ne faut pas attendre l'analyse et il faut agir tout de suite. Ma question, oui, Gilles Pagès. Je voudrais dire un petit mot aussi avant que l'émission se termine sur quelque chose qui est moins enfin, disons, moins fondamentale, mais qui est le fait que le hasard est devenu un outil et pas seulement, un phénomène qu'on étudie ou qu'on modélise. Parce que justement, grâce à l'émergence des ordinateurs, maintenant, la fameuse loi des grands nombres dont on parlait tout à l'heure et du théorème central limite qui en mesure la vitesse, eh bien, on le génère artificiellement à l'intérieur des ordinateurs pour arriver à calculer un certain nombre de quantités. Et il y a des choses, notamment pour les phénomènes de grande dimension, c'est-à-dire où il y a beaucoup de variables, en fait, eh bien, les méthodes d'analyse classiques, qu'on appelle les méthodes d'équations ou dérivées partielles, bon, peu importe ce que c'est, sont en échec dès qu'il y a trop de variables. Et par contre, les méthodes de simulation de scénarios qu'on moyennise ensuite sont la solution pour monter en complexité, enfin, quand les problèmes deviennent trop complexes. Donc, il faut bien comprendre que l'homme a domestiqué, d'une certaine façon, une forme de hasard. C'est ce qu'on appelle la méthode de Monte Carlo. Ça s'appelle, bon, pour des raisons évidentes, enfin, la terminologie apparaît évidente. Et qui, cette fois, n'est pas liée au nombre d'habitants. Non, d'accord, mais enfin, voilà. Et donc, maintenant, aujourd'hui, on peut générer sur un ordinateur des millions, voire des milliards de scénarios pour analyser un phénomène. Et après, on peut avoir des résultats extrêmement précis sur ce phénomène. Ça m'amène à cette question qui est celle que je voulais vous poser. Est-ce que il est envisageable que, avec l'augmentation des puissances de calcul, d'aboutir à des supercalculateurs qui puissent prendre en compte précisément, qui puisse modéliser l'intégralité des paramètres nécessaires et donc d'une certaine manière anticiper, prédire, prévoir l'aléatoire. Écoutez, ça c'est le grand truc à la mode en ce moment. Enfin, c'est pas que à la mode, hein, c'est l'émergence du... Parce que il y a le pendant des probabilités, ce sont les statistiques, hein, qui est la façon d'analyser, enfin bon, c'est la façon fréquentiste d'analyser les données qu'on reçoit. Donc ça s'appuie sur les probabilités, mais c'est une discipline à part entière et cette discipline en ce moment elle est en train d'exploser à travers ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où nous laissons une trace de tout ce que nous faisons sur Terre, et qu'il y a des machines qui sont capables de l'analyser avec des moyens nouveaux, extrêmement performants, l'idée, bon, qu'il y a un ordinateur va décider de tout et prévoir tout, ça, c'est probablement de la science-fiction, mais par contre, qu'on puisse atteindre un niveau de contrôle de tout ce qu'on fait, de prédiction importante de ce que font chacun des individus, ça, c'est tout à fait possible. C'est le big data dont tout le monde parle en ce moment. Merci beaucoup. Juste un tout dernier mot, il faut répondre par oui ou par non à l'issue de cette émission. Et la question que tout le monde se pose et que je n'aurais pas pu ne pas vous poser, est-ce qu'il faut jouer toujours la même grille au loto ou est-ce qu'il faut faire des grilles aléatoires, Yves Reckland ? Je pense que ça n'a pas d'importance. Merci beaucoup à mes deux invités du jour, Gilles Pagès, Yves Reckland, je rappelle, hein, Le hasard, une approche mathématique dans la collection La petite BDTech des savoirs aux éditions du Lombard, une petite BD tout à fait bien écrite et amusante pour comprendre comment se passe le hasard et comment est-ce que les mathématiques peuvent en dire. Et ne manquez pas non plus l'exposition Faites vos jeux quand les maths s'en mêlent au Palais de la Découverte. Dans quelques secondes, le journal de 8h, on se retrouve samedi prochain à 7h pour la suite des meilleurs moments et des meilleures émissions de la méthode scientifique, jusqu'à preuve du contraire.